Et vous écoutez Des litres de salive, l'émission qui bave dans tes oreilles, en long filament, alien style, sur le 89.5 de Radio Dio. Et aujourd'hui, on parle parasite relationnel humain, on parle tic de l'amour, on parle suceur d'âme. On va partir dans une exploration des bestioles désagréables sur lesquelles on tombe quand on relationne avec d'autres êtres humains. C'est le moment de libérer la chatte. Est-ce que les garçons ne mettraient pas les filles qu'ils aiment vraiment beaucoup dans une sorte de bulle imaginaire sur un piédestal dont elles ne pourraient plus descendre? Ça peut arriver, tu crois? J'admets que je trouve les hommes physiquement attirants, mais sur le plan affectif, ils sont arriérés. Blabla, Gaïa, blabla, le monde, pouvoir de la vie menstruelle, etc. Mais combien de fois t'as simulé? C'est des hommes beaucoup mieux que lui, dont la cervelle n'est pas détériorée par des histoires de pénis. Ah, c'est que ça alors? T'es juste venu me pomper des infos. Qu'est-ce que tu voulais que je te pompe d'autre? Moi j'adore les histoires de pénis. Oh là là, voilà un béguin que j'aimerais me faire. Tu n'es pas la première femme avec qui je sors. Mais t'es pas la première hétéro avec qui je sors. Hétéro? Je pourrais te chevaucher jusqu'à ce que tu me demandes grâce et que tes yeux se révulsent. J'ai une force que même dans tes rêves, tu n'oserais m'envier. J'aurais un plaisir fou à te broyer pour te voir exploser comme un bouchon de champagne et tu me supplieras de te maltraiter un peu plus. Des litres de salive pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec, radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Aujourd'hui, je vais partager quelques textes plus ou moins récents, et qui ont en commun des bestioles pas très marrantes. Hein. Et donc c'est parti pour un bestiaire relationnel. Les bestioles dont on va parler, elles peuvent représenter un mode relationnel en le personnifiant, elles peuvent représenter une personne donnée, à un moment donné, ou dans une interaction donnée, elles peuvent aussi représenter certains sentiments, certains effets du patriarcat et de l'hétéronormativité. Les bestioles, elles mettent des images sur une typologie de problèmes comportementaux et relationnels. Elles aident à construire, en tout cas, elles m'aident à construire une typologie des types, une typologie des modèles courants d'hommes cis pénibles et une typologie de leur comportement. Évidemment, ça ne les représente pas dans leur entièreté, ni pour toujours. Des comportements peuvent être présents chez un individu de façon occasionnelle, n'étant en aucun cas essentialisés. Mais en fait, des fois, c'est tellement bien ancré dans les personnes. Je veux pas essentialiser des comportements, hein. Enfin, essentialiser dans le sens considérer que ces comportements font partie de la personne, hein. Pas essentialiser comme étant lié pseudo-naturellement au genre de la personne, hein. On est d'accord, hein. Mais du coup, moi, je veux bien ne pas essentialiser des comportements et puis les laisser en suspens comme ça au-dessus des gens. Hein. Mais il faudrait arrêter de me donner des bonnes raisons de les considérer comme faisant partie de la personne de façon intégrale et persistante. Et oui, ah, le progrès, le problème, c'est le patriarcat, et c'est pas les mecs cis en tant qu'individus, gna gna gna, et ça n'aide personne de culpabiliser les types, gna gna gna. Bon. Non mais en fait, parler de leur responsabilité, c'est pas les culpabiliser, et même c'est assez différent, mais je digresse complètement, voilà. Alors, les bestioles. Notre bestiole numéro 1 m'est revenue en mémoire en relisant un magnifique article que j'avais affiché sur mon frigo il y a longtemps et puis que j'avais oublié. Et c'est pas une bestiole qu'on croise spécifiquement dans le cadre de relations affectives, amoureuses, tout ça. Et c'est pas vraiment une bestiole d'ailleurs, hein. On sait pas trop s'il appartient au règne végétal, animal. Mais en tout cas, il est expansif. Et il est quelque part un peu induit lui aussi par l'hétéronormativité. Et donc, intéressons-nous au cas du blob boursouflé. En nous appuyant sur un article du magazine SUM Saint-Étienne Métropole de 2021, je crois, qui décrit un spécimen que l'on peut facilement identifier de blob boursouflé. Et qui décrit aussi ses activités. Espérons que ça vous permettra de saisir ainsi l'essence du blob boursouflé. Mais tout d'abord, une petite description de la photographie qui accompagne le petit article. Alors, on voit 5 personnes en pied, on les voit en entier, alignées. Et au centre, en plein milieu, avec en arrière-plan un gros poteau derrière lui, là, au centre, donc, une espèce de type torse nu avec des gros pecs, un sarouel, des chaussettes blanches à rayures bleu marine. Alors, on va vite comprendre pourquoi. Donc, il y a ce gros gars au milieu, voilà. Les autres personnes, elles portent aussi ces chaussettes blanches à rayures bleu marine, tout ça, tout ça. Bon, donc, cet immense type. De chaque côté du type, il y a 2 meufs minces, jeunes, habillées, hein, quand même. Elles ne sont pas torse nu, elles. Et elles doivent bien faire 20 à 30 cm de moins que le gars. Et la différence de taille est accentuée par le fait qu'elles se tiennent légèrement en arrière-plan. Donc déjà, le visuel nous donne des indices sur l'opinion de lui-même que peut avoir le blob. Le blob qui est bien sûr le personnage au centre, hein, sans surprise, hein, c'est lui, le gros gars. Tout ça nous renseigne sur la façon dont le blob se représente. Comme un immense type à gros pec au physique avantageux correspondant aux normes, mis en avant au milieu de plusieurs petites meufs. Et maintenant, passons au contenu de l'article. Il semblerait que la personne ayant écrit l'article soit elle-même sous l'influence du blob et sous son charme. Bien dans ses chaussettes, par Léo Bizet-Simon. Cet ostéopathe du coteau a les idées qui fusent. Sa nouvelle invention, Marchil, une marque de chaussettes 100% française, en vogue, melotonnée, en coton et mimolée. Elle s'adresse tant aux sportifs qu'aux bouts de chou. Et oui, parce qu'en fait, tout le monde porte des chaussettes. Enfin, c'est pas très foufou comme constat. Enfin, voilà. Donc, première citation. « Je voulais faire quelque chose de ludique, qui plaise autant aux sportifs qu'aux familles attachées à la mode », souligne Léo Bizet-Simon. « Et j'ai pensé à la chaussette ». Alors, encore une fois, quel manque d'originalité. Enfin, ludique, on joue à quoi avec des choses? Ah si, on peut jouer à la lutte chaussette. Bref, voilà. Ce trentenaire a l'imagination débordante. Ah ben oui, pour avoir l'idée de créer des chaussettes, il faut vraiment avoir l'imagination débordante. Hein. Réussit à allier cette idée à sa passion pour les sports de glisse à la mode. Création, typologie, couleur. Le Rohanais se surprend à crayonner sur des post-it et se laisse prendre au jeu. Ouh, le petit foufou, il crayonne sur des post-it. Quel élan de créativité. Les chaussettes Marchil prennent vie. Préfixe Marcel, le prénom de mon fils, ajouté au mot chilé qui signifie prendre du bon temps. Avec ses 4 bandes bleues, cette chaussette 76 et confortable se décline en modèle homme, femme et enfant. Et pas en pointures différentes, hein, vous remarquerez. Elle a été rapidement victime de son succès. Des sportifs de haut niveau comme des familles entières les portent. Et oui, parce que, encore une fois, tout le monde porte des chaussettes, surtout des chaussettes aussi peu originales que des machins blancs avec des rayures bleues. L'article se conclut quand même par « Marchil, une philosophie de vie ». Voilà, voilà. Donc, ce qu'on peut remarquer hein, dans cet article, c'est qu'on a une représentation de trucs extrêmement simples et d'une grande banalité comme étant des choses exceptionnelles et demandant des ressources créatives incroyables. On a, autre point, une exagération hein, donc de la créativité du blob. On a également une mise en avant de son processus créatif, alors qu'il n'y a quand même rien de ouf, quoi, voilà. Et ces caractéristiques nous montrent bien son degré d'inflation de l'ego de créateur, tout ça, quoi, voilà. Ah, laissons là le blob boursouflé pour nous intéresser à une autre bestiole pénible, le rat-crabe. C'est une très étrange race anthropomorphe qui se nourrit des émotions amoureuses des humains. Ils se répandent par le réseau d'évacuation des eaux usées. Ils repèrent une proie, généralement quelqu'un de sensible, émotif, et fondent sur elle. Difficiles à identifier, ils peuvent être confondus avec des tièdes. Des spécimens ayant l'apparence d'hommes et de femmes existent. Nous ne savons pas vraiment d'où ils viennent, probable qu'ils naissent d'amour morte avant d'avoir commencé, se réfugiant dans des carapaces de crabes. Commençons par une description du processus complet dans lequel est entraînée une victime de rat-crabe. Tout d'abord, le harponnage. Les rat-crabes laissent naître le sentiment amoureux sans formuler d'engagement sentimental clair de leur côté, mais en le suggérant. La victime se laisse donc aller à des émotions amoureuses, s'ouvre, s'apprête à vivre une merveilleuse histoire d'amour. Les rat-crabes ont des capacités ultra développées en ce qui concerne l'imitation des émotions humaines, cependant, ils ne les ressentent pas. On se laisse donc prendre au piège, mais un regard aguerri et une écoute aiguë de ses ressentis pourraient nous sauver. Une fois que la victime est en confiance, la deuxième phase, dite phase du gâchis, commence. Le rat-crabe adopte une attitude ambivalente. Par exemple, des sollicitations suivies de longs discours sur l'impossibilité de la relation. Cette impossibilité étant la plupart du temps provoquée par l'attitude du rat-crabe lui-même. Ils peuvent également évoquer des questions de mauvais timing ou toutes sortes de raisons sur lesquelles la victime n'a aucune emprise, entraînant un fort sentiment d'impuissance et de frustration. Une impression d'intensité se dégage alors de la relation, ce qui préserve l'intérêt de la malheureuse victime. Mais cette intensité provient en fait de l'impossibilité de vivre la relation pleinement. Les freins posés donnent une impression de tragédie, le rat-crabe est fort en drama. Ce côté tragique dans les relations sentimentales est fortement valorisé dans des millions de produits culturels de masse auxquels nous sommes exposés depuis notre naissance. Il fait partie des normes régulant l'amour tel qu'on est censé le voir et le vivre. Les messages sous-jacents tels que « si l'on s'aime, on doit se détruire mutuellement » ou bien « l'amour fait mal » sont omniprésents dans notre culture. Il suffit de regarder n'importe quel roman cinématographique ou même des œuvres classiques pour s'en rendre compte. On peut en déduire que toute notre culture nous pousse à être sensibles au charme vénéneux des rat-crabes. Il est probable qu'en étant reculés, les rat-crabes aient passé un accord avec des instances dirigeantes de l'Occident tout entier pour qu'ils promeuvent cette version de l'amour romantique, fournissant des victimes aux rat-crabes. En échange, les citoyens sont occupés avec leurs drames sentimentaux et laissent leur conscience politique s'endormir. Les gouvernements sucent la moelle de nos émotions à travers leurs sbires et dans le même temps, leur permettent de parfaire leurs imitations des sentiments humains. La troisième étape, enfin, peut durer des années. Lorsque la proie finit par se rendre compte que quelque chose sonne faux, les petites pinces des rat-crabes entrent en action. Ils viennent les faire clacoter près des oreilles de la victime. Le rythme hypnotique des clacotements maintient la victime dans un état de transe et fait perdurer son espérance dans une amélioration de la relation. Il est cependant possible de se prémunir contre les attaques de ces petites bêtes malfaisantes. Les rat-crabes sont très doués pour imiter un comportement et un discours amoureux, mais le manque d'authenticité finit par être détecté. Après plus ou moins de temps, selon les compétences du rat-crabe et le degré d'écoute d'elle-même de la proie, le rat-crabe n'imite l'amour qu'avec son cerveau et ne parle qu'à la raison. Il peut aussi parler au corps avec un certain talent, mais le cœur lui reste inaccessible car lui-même n'a pas l'usage du sien. Pour se prémunir d'une attaque, il faut donc tenter de détecter un décalage entre un discours bien rodé, qu'il est raisonnable de croire, et ce qui se passe au niveau des émotions et d'un partage réel de sentiments. À ce niveau, il n'y aura rien. Ils parlent pourtant de choses personnelles, ont un vocabulaire qui peut être très développé en ce qui concerne les émotions, mais si l'on prête attention, ils mesurent l'impact de leurs paroles et ne livrent des informations personnelles qu'en échange d'une ouverture vers l'âme de leur proie. Il dégage bien souvent une herméticité incompréhensible qu'il est très difficile de décrire. Et comme on a du mal à mettre des mots sur ce qui se passe, on aura tendance à invalider son ressenti, car il n'a pas l'air basé sur quelque chose de concret, et c'est là le piège. Il est très difficile de se protéger des rat-crabes, mais on peut y parvenir. Il suffit de déguiser ses capacités à les détecter grâce à la description de leur comportement, et en suivant ses principes, de fuir le drama, de s'écouter, en faisant confiance à ses émotions, et bien sûr de se munir de boules-quies contre les clacotements. On peut pour conclure émettre l'hypothèse que ce pompage d'émotions tant recherché par les racrabes traduit chez eux une frustration. Peut-être sont-ils désemparés et cherchent-ils à accéder à d'authentiques émotions au travers des humains. Mais est-ce bien notre problème ? C'était Las Vulpes avec Me gusta ser una zorra. C'est une reprise des Stooges de I Wanna Be Your Dog. Donc Me gusta ser una zorra, eh bien zorra en espagnol, bah, ça veut dire renarde, mais bah, c'est de l'argot et c'est un peu comme chienne en français, quoi. Voilà. Et du coup, cette chanson, c'est une chanson sur le fait d'embrasser son stigmate social de salope. Après nous être intéressés au racrabe, on va passer à un espèce de cousin du racrabe, un espèce de machin maritime aussi, qui est le bigornule. Alors le bigornule, donc, partage beaucoup de caractéristiques avec le racrabe, mais diffère sur certains points. Certaines personnes qui maintiennent un rapport de pouvoir déséquilibré de par leur comportement au sein des relations et qui sont souvent des types 6, hein, enfin, la très grosse majorité du temps, pour des raisons de construction sociale, de l'irresponsabilité relationnelle et de survalorisation de l'indépendance, indépendance avec des gros guillemets, une indépendance qui se révèle tout à fait fictive, étant donné qu'il bénéficie de beaucoup de soins non visibilisés de la part des personnes qui ne sont pas des mecs cis. Bref, nous savons tout ça. Alors, ce qui est moins connu, c'est que ces personnes ont souvent subi une importante mutation due à la piqûre sournoise du bigorneau Flappy. Minuscule monstre des mers, au dard passant inaperçu, mais dont les conséquences peuvent être fatidiques. En effet, les individus ayant été piqués se transforment progressivement, jusqu'à développer leur propre coquille de déni et d'insensibilité aux émotions des autres, jusqu'à devenir des bigornules. Une mutation humanoïde du bigorneau Flappy. Ces bigornules ont un mystérieux pouvoir d'attraction sur plein de meufs, mais pas sur moi du tout, et agissent comme des parasites ventousés à elles pour bénéficier de leur chaleur corporelle. Mais qui sont donc ces bigornules ? Leurs caractéristiques sont les suivantes. Une inconsistance prononcée. Les personnes témoignent de beaucoup d'intérêt, puis disparaissent, puis reviennent, comme si cette inconsistance et ses allées-venues étaient normales et non discutables. Autre caractéristique, une absence de communication ou un manque de clarté dans la communication, c'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas sur leurs émotions, trouvent que discuter d'une relation c'est chiant et compliqué et pas normal, et préfèrent raconter toute leur vie et parler d'eux pendant de très nombreuses heures sans vous écouter si vous vous faites pareil. Une autre caractéristique, des réactions négatives très marquées et parfois surprenantes hein, en cas de questionnement de notre part ou d'insécurité de leur côté, et j'ajouterais d'expression de nos émotions. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous accuser d'utiliser le fait d'exprimer nos émotions pour les manipuler, par exemple. Ils sont soupçonneux, voire verbalement violents, si on a le malheur de questionner un de leurs comportements ou de souligner que quelque chose nous a impacté. Et encore une autre caractéristique, ils sont atteints d'une survigilance par rapport à leur propre bien-être et l'absence de place pour les émotions de leur partenaire les caractérise pas mal aussi. Si on doit résumer, parmi tous ces comportements relationnels merdiques, la principale caractéristique du bigornule est l'herméticité sur commande. Ou pas sur commande en fait, hein, mais nous n'aurons jamais l'occasion d'obtenir cette information, étant donné que la bête peine à identifier et exprimer quoi que ce soit relevant du domaine émotionnel. L'herméticité est accompagnée d'une menace de disparition perpétuelle, le bigornule ayant un système de propulsion par expulsion de jets d'eau très efficace, lui permettant d'atteindre les 112 km/h s'il se sent menacé. On retrouve là les caractéristiques des rats-crabes, leurs cousins, pas mal. Mais chez le bigornule, la manipulation n'est pas perverse et contrôlée. Elle résulte plutôt, comme son nom l'indique, de la nullité affective et émotionnelle du spécimen. Les mecs cis dit sensibles, voilà, guillemets, parce que voilà, sensible chez un mec cis, ça ne veut pas dire empathique, mais pas du tout. Ils sont surtout sensibles la plupart du temps à la beauté du grain tard et de ce qu'ils considèrent comme intéressant. Et ils sont sensibles également à leur propre nombril et torturés d'un mal-être existentiel très très expansif. Hein, voilà. Donc les mecs cis dits sensibles sont fréquemment des bigornules en planque. Hein, et le kink de l'artiste torturé peut provoquer bien des dégâts. Maudite culture hétéro-romantique. Mais bref, ce que l'on peut malheureusement remarquer, et là je vais faire un petit trigger warning manipulation du consentement parce que ça va parler plus ou moins de ça là après. Donc ce que l'on peut malheureusement remarquer, c'est que les bigornules, par le rapport de pouvoir qu'ils mettent en place, entretenu par leur silence et les diverses pressions psychologiques qu'ils exercent, impactent le continuum du consentement. Parce qu'on a peur de les perdre, parce qu'on a tendance à s'oublier dans la relation pour préserver l'autre, et qu'il n'y a pas d'équilibre là-dedans, car l'autre ne le fait pas. Et on n'est pas vraiment dans le domaine, en tout cas, moi, je n'estime pas qu'on soit vraiment dans le domaine de l'agression, ni vraiment dans la manipulation frontale, mais c'est plutôt sur de l'autocensure que ça se situe, de ne pas trop oser dire ce qu'on veut faire autrement, parce que déjà, on a de la chance que là, tout de suite, le type soit enclin à partager de l'intimité. Et il faudrait pas non plus le faire fuir avec une prise de tête. Les conséquences les plus visibles de tout ça étant de, par exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, par exemple, renoncer à l'utilisation d'un préservatif parce que c'est contraignant et oulala, ne lui faisons pas la contrainte, le pauvre, ne gâchons pas le précieux moment d'intimité qui nous est accordé. potentiellement, ça peut être aussi de ne pas arrêter tout de suite quand on a mal, globalement, de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, en fait, et de s'oublier, de se noyer un peu dans le désir de l'autre, et puis d'oublier le sien, parce qu'il n'y a pas de place pour soi, en fait. Tout ça peut donner une impression d'intensité un peu folle, hein, comme avec le racrabe, hein. C'est comme un immense soulagement quand on constate le désir de l'autre pour soi, alors qu'on avait peur qu'il s'en foute de nous. C'est une intensité qui est difficile à abandonner, et la vague de soulagement qui va avec emporte avec elle toute la merde dans un grand « Ah oui, l'autre me veut !» Et on oublie le manque de considération, on se concentre sur ce qui est beau, parce qu'en fait, on est cool et on aime ce qui est beau, mais on se concentre sur cette intimité retrouvée et on mélange allègrement l'envie de baiser de l'autre et sa capacité à aimer. Et le problème, c'est que les trucs intenses comme ça, bah, vraiment, c'est super. Mais je crois que quand même, au fond, on sent que c'est un peu sale et que c'est là pour combler un vide et pas pour fabriquer de l'intime. Relationner avec des bigorres nuls, c'est dangereux. Les bases de rapports de pouvoir déséquilibrés qui s'installent progressivement et sur lesquels repose la relation, poussent à prendre sur soi, sans cesse, à prioriser les besoins de l'autre parce que la menace de le perdre flotte toujours dans l'air, et ça impacte le partage de sexualité et tout le reste. Et ils sont nuls, et ils le font pas exprès, certes, mais ils font pas non plus exprès de changer leur comportement problématique. Et la qualification de la situation comme abusive, elle devrait pas dépendre de leurs intentions, mais de ce qui se passe concrètement pour nous. Petite lueur d'espoir, alors dans un monde où l'hétéronormativité serait abolie, les bigorres nuls, ils finiraient peut-être par remuter en humains. Peut-être qu'ils n'obtiendraient pas les soins et l'attention nécessaires à l'entretien de leur coquille, personne ne trouvant plus normal de se mettre à leur disposition, hein, et qu'ils seraient obligés de se rouvrir pour ne pas être engloutis par la mer. Parce qu'après tout, même si on leur accorde beaucoup d'importance, hein, quand on est sous leur emprise, ben ce sont que de tout petits, petits mollusques dans une coquille. Je vais vous raconter un rêve que j'ai fait. Parce que les bestioles parasites, manifestement, elles envahissent aussi mes rêves sous différents traits. Et en l'occurrence, la bestiole parasite de mon rêve, c'était un espèce de tamanoir géant. Vous voyez, là, genre les fourmiliers, là, énormes, avec des longs poils. Là. C'est ce qui peut être mignon, hein, par ailleurs, mais bon, voilà. Donc le tamanoir géant. Et je vous raconte le rêve. Je suis dans une sorte de guinguette, c'est à l'extérieur, mais c'est un peu circonscrit par des panneaux de bois, tout ça. Il y a deux parties reliées par un bar-couloir, donc je suis avec une personne qui me fait attendre tout en s'excusant, mais en me faisant quand même attendre. Bon, déjà, ça commence. Il y a des ambiances différentes dans les deux parties de la guinguette, et je ne sais pas exactement pourquoi. Je m'avance dans une des salles pleines de tables avec des chaises autour. Je cherche une table où m'asseoir et où mes amis vont me rejoindre. Et là, apparaît dans mon champ de vision un superbe tamanoir géant. Il est très élancé, il est comme étiré. Et il mesure bien une tête de plus que moi, bien qu'il se tienne à quatre pattes, comme un tamanoir se tient. Et là, je le trouve trop super. Je me sens hyper chanceuse de le voir et je trouve que c'est un être tellement exceptionnel. Et je m'approche avec précaution en me sentant de plus en plus chanceuse parce qu'il se laisse approcher. Et puis j'arrive à toucher son museau et là, il y a une vague d'émotions qui me submerge. Vraiment un truc complètement dingue. Et il sort sa grande langue fine. Les tamanoirs, ils ont une grande langue fine. Donc, il sort sa grande langue fine de tamanoir et il commence à l'enrouler autour de deux de mes doigts, comme ça. Et je le laisse faire, je suis fascinée par cet animal. Il continue un moment et puis, peu à peu, il se met à me mordre les doigts. Alors, d'abord, tout doucement, hein, Voilà, il mordit. Et puis, petit à petit, c'est plus douloureux. Et il alterne les moments où il lèche mes doigts et ceux où il me mord. Et puis, je commence à saigner un peu et en avoir un peu marre. Mais c'est impossible de me détacher de lui. Parce qu'en même temps, je me sens toujours si chanceuse de susciter l'intérêt de cet animal complètement merveilleux. Et c'est douloureux. Je commence à avoir envie de m'en débarrasser. J'ai envie d'aller à ma table et de boire des coups avec mes amis, quoi. Mais je suis quand même trop, trop fan de lui. J'imagine le trimballer jusqu'à la table pendant qu'il me mord les doigts et les fait saigner. Et puis, ça me fatigue d'avance. Je trouve que ce tamanoir, c'est quand même bien un boulet. Et quand le rêve prend fin, à ce moment-là, je suis partagée entre d'un côté une fascination profonde pour lui et l'impression d'avoir de la chance. Et puis d'un autre côté, je suis vraiment fatiguée. Vraiment. Et je voudrais m'en détacher. Bon, le rêve se termine là. Et bon, clairement, j'ai rêvé de l'hétérosexualité, quoi, hein, du principe général d'hétérosexualité. Un tamanoir fascinant. Fascinant comme le sont les types, pas tous, fascinant comme le désir et l'impression de tomber amoureux, tout ça, tout ça. Tout ça qui s'enroule autour de vous, et puis au final vous épuise, essaye de vous étouffer, de sucer votre sang et d'absorber votre énergie vitale avec sa longue langue acérée. Hey girl. Hey, what you up to? Don't know, just broke up with my boyfriend. Wow, what happened? Well, it had been complicated for a while and he messed it up with another girl. Damn, what a loser. I never liked him anyway, you know. As long as you were happy, that was fine, but you deserve so much better. I wish I could find real love someday. Real love. I know what you need. You need a dog. You need a fucking dog. You need a dog. You need a fucking dog. You need a dog. You need a fucking dog. You need a dog. You need a fucking dog. It's real. Dramatic now. You need a dog. You need a fucking dog. You need a dog. You need a fucking dog. You need a dog. You need a fucking dog. You need a dog. Let's go. You need a dog. You need a fucking dog. You need a dog. You need a fucking dog. Et c'était Las Aves avec You Need a Dog. Donc tu as besoin d'un chien. Voilà. Mais on n'a pas toujours besoin d'un chien. Même des fois, on aurait besoin de surtout pas avoir de chien. Et on va voir ça avec la créature suivante qui est le chiot suceur de cerveau. Ah! douceur de cerveau. Alors, cette partie pourrait être aussi intitulée « Comment choper en faisant pitié ?» ce qui vous donnera peut-être une petite idée de ce que c'est comme genre de créature que le chiot suceur de cerveau. Alors, voilà une espèce particulièrement dangereuse d'être qui hante notre monde. On se promène avec nonchalance au bord d'une route de campagne ou avec un fort taux d'alcoolémie au bord d'un bar. Et voilà que la sale bête nous tombe sur le poil. Alors, on peut l'identifier de prime abord grâce à ses grands yeux larmoyants, à son petit air triste, à cette impression que le petit animal est familier lui aussi de cette sensation de solitude qui nous saisit parfois par les froides nuits d'hiver. Mais ne nous y trompons pas, hein. Nous avons affaire à un prédateur sournois. Les meufs, plus enclines à prendre soin des autres, tout ça, sont souvent plus sensibles au charme vénéneux de ces petites créatures. Cela est dû, entre autres, à ce qu'on appelle le travail émotionnel, un travail gratuit, invisible, effectué majoritairement par les femmes et les individus marginaux. Les meufs chez lesquelles on provoque facilement le sentiment de culpabilité sont encore plus facilement touchées par le chiot suceur de cerveau. Voilà. Oh mon Dieu, désolée, j'ai toussé dans le micro. Ces bestioles ont plusieurs caractéristiques, hein, ces petits chiots, et du coup ça permet de les repérer. Alors par exemple, ils vont attirer votre attention avec des récits, des événements qui leur sont arrivés, et des récits qui sont plutôt négatifs, tristes, et ça peut entraîner différentes réactions selon les interlocutrices. Oui, leur sensibilité du moment. Donc ça peut entraîner de la gêne de voir les plaies ouvertes d'un quasi inconnu exposé aussi cruellement. Ça peut entraîner aussi un sentiment d'obligation par rapport au petit chiot. On doit l'aider, le soutenir. Il a l'air si triste. Et ben, la personne ayant l'air si triste, on n'ose pas faire respecter ses propres limites parce que nous, on est solides. Ou alors, on n'y pense même pas. Nous sommes tellement occupés avec la souffrance de ce petit chiot. Alors, d'un autre côté, autre caractéristique, hein, ils n'ont aucun respect des limites des autres. Hein, Alors, c'est prouvé, hein, notamment sur des questions de consentement, que le comportement non-verbal ou les réponses avec lesquelles on ne dit pas non avec des mots, mais où, quand on est peu enthousiaste, eh ben, c'est parfaitement compris par les humains qu'on n'est pas enthousiaste et qu'en fait, on n'est pas d'accord. Et puis, même sans étude, hein, de façon totalement empirique, si on y réfléchit, on sait faire comprendre à quelqu'un poliment qu'il nous ennuie ou que c'est non. Et c'est là que ça se gâte avec les chiots suceurs de cerveau, car ils font très bien semblant de ne pas comprendre. Ou alors, ils estiment vraiment que leurs émotions et désirs sont totalement prioritaires et ignorent donc ceux de leurs victimes. Peut-être parce qu'ils estiment leur sort comme tellement tragique, tellement plein de douleur, qu'ils s'autorisent à faire bien peu de cas d'une autre. Ils sont en quelque sorte prioritaires sur la douleur. Comment pourrions-nous faire valoir nos propres ressentis ? Comment oserions-nous face à ces âmes en peine ? Si on se laisse submerger par la pitié qu'ils inspirent, on se fait proprement sucer le cerveau. Et puis, s'obtiennent ce qu'ils veulent, hein, une belle compotée de notre âme. Si on offre une quelconque résistance, ils ne comprennent pas, enfin ils font semblant hein, de ne pas comprendre, et répondent à notre rejet par des jérémiades insensées et des hameçons sous forme de déclarations d'amour lancées dans nos oreilles. Et ça fait mal, les hameçons dans les oreilles. En tant qu'humaine patiente et attentive, prompte à la remise en question, on peut alors se demander si nous avons été bien clairs dans ce que nous souhaitions faire comprendre à l'énergumène. Et à ça s'ajoute une éventuelle difficulté à réagir. En effet, la situation est tellement insensée que c'en est déstabilisant. Cette personne qui insiste en chouinant est absurde. Il apparaît si peu probable qu'elle continue son manège en ayant compris notre refus que nous doutons de nous-mêmes et de notre clarté. Et c'est sur cela que s'appuie son potentiel de succion. Ainsi que sur un autre point, notre sentiment de culpabilité. Nous nous sentons coupables parfois de rejeter un être si doux en détresse qui aurait tellement besoin de nous. Une vraie petite peluche de tendresse qui nous jette son amour gluant au visage. Et nous, nous lui refusons même un petit coup rapide au lever du jour. Quelles ingrates femelles! Pour éviter l'invasion, on peut faire attention à ce qu'on ressent et si une personne nous met mal à l'aise. Et surtout, si on a l'impression de lui devoir quelque chose, d'autant plus si ce quelque chose est de l'affection du sexe, on peut s'enfuir. Il est de notre droit d'envoyer paître cette engeance invasive, ces chouineurs qui nous forcent la main et qui abusent de notre grand cœur pour se nourrir de la chaleur de nos bras. Et si on veut être utile, si on a envie de faire quelque chose de positif pour le monde, si à un moment on a de l'énergie pour aider à améliorer cette planète, hein, il faut quand même les rejeter, hein, parce qu'ils apprendront à apprécier l'autonomie, ils apprendront que leurs actes peuvent aussi avoir des conséquences désagréables pour eux, et ils cesseront leur succion non désirée. On va passer à un autre style d'ennemi. Un ennemi qui a plus grand-chose à voir avec des chiots et des parasites ordinaires. On va parler des petits sépius. Alors, les sépius, c'est des petites bestioles de type encornet. Et en fait, c'est un mot en occitan, hein, ça veut dire supion. Et du coup, c'est des vraies bestioles qui existent. Mais il y a des sépius mentaux. Et les sépius, ils envahissent périodiquement le mental et ils viennent cracher leur encre noire sur les pensées. Ils dégueulassent tout. Et après leur passage, les choses chiantes qui arrivent sont généralement assorties d'un « c'est parce que je suis nulle ». Et les choses neutres, ou pour lesquelles vraiment c'est difficile de s'attribuer une quelconque responsabilité, elles sont teintées et assorties d'un « ça veut sûrement dire que je suis nulle quelque part ». Les choses positives, agréables, valorisantes prennent quant à elles une jolie teinte de « et pourtant je suis nulle, je ne le mérite pas, si ça m'arrive c'est par hasard, ça ne change rien, mon manque de valeur ». Bon, voilà. Voilà, donc c'est sympa. Les sépius, donc, ils font voir tout ce qui a trait à soi en moche. Donc soi-même, ce que les autres pensent de nous, ce qu'elles ressentent vis-à-vis de nous, et leur encre a pour effet d'assombrir et de rendre flou le monde. Le principe des sépius, c'est qu'ils instaurent une ambiance mentale, mais qu'on ne les identifie pas toujours clairement, qu'ils sont là à nous barboter dans la tête, là, sans qu'on les voit vraiment. Difficiles à repérer, ils sont donc difficiles à chasser. Et il y a plusieurs types de sépius déclenchés par des trucs variés, des événements ponctuels qui peuvent nous fragiliser, nos constructions psychiques qui peuvent nous rendre plus sensibles. Bien sûr que si on vient de prendre un énorme râteau ou qu'on n'est jamais valorisé dans la vie, ben on ne sera pas sensible pareil, mais en gros, voilà, ils sont un peu la sale haine de soi, distillée par goutte ou par hectolitre, c'est selon. Une des plus grosses familles de sépius, c'est la famille des sépius de la jalousie. Et ici, on va s'intéresser plus particulièrement à la jalousie éprouvée par les meufs dans le cadre des relations affectives, et puis en débordant un peu du cadre aussi. Hein. Bon, voilà, la jalousie. Bon, on voit à peu près, hein, c'est une réaction souvent composée de plusieurs émotions mélangées qui repose pas mal sur la peur. Donc la peur de perdre une relation, de perdre un statut particulier privilégié, et des fois, ce qui nous fait peur est vraiment en train d'arriver, mais des fois, absolument pas. Il y a, par exemple, de la jalousie envieuse qui repose sur le fait d'avoir peur d'avoir moins, d'être lésé, etc. Il y a la jalousie possessive, la jalousie liée à des comparaisons. Bon, on va parler un peu de l'influence mutuelle entre les sépius et ces types de jalousie, et en particulier la jalousie liée à la comparaison. Quand t'es une meuf, les sépius, ils travaillent main dans la main avec les normes de genre. D'une part avec les normes de féminité, d'autre part avec les normes qui pèsent sur les meufs en relation affective. Souvent, l'histoire personnelle de chacun, elle pèse aussi sur sa sensibilité à la jalousie. Et en plus, les normes sociales, l'histoire personnelle, tout ça, c'est rarement complètement sans rapport. Et tout ça, ça dialogue. Mais par exemple, mettons que dans notre enfance, on nous a fait des commentaires désobligeants à propos de notre corps. Donc avoir entendu ça, ça fait partie de notre histoire personnelle et ça a probablement un impact sur notre construction. Mais le fait de juger les petites filles sur leur physique ne sort pas de nulle part. Ça vient de normes sur le physique pesant particulièrement sur les meufs. Donc plus tard, on se retrouve complexé par certains aspects de notre physique, à y prêter trop d'attention. Et c'est dû à une expérience individuelle, hein, on a été critiqué, mais qui n'est pas si individuelle parce qu'elle est quand même liée à notre identité de genre et aux normes autour de ça. Donc ces paroles, elles ont eu un impact parce qu'elles viennent de personnes proches, dans le jugement compté, à un âge où on est sensible et tout, mais elles ont aussi un impact parce qu'elles vont dans le sens d'une norme très oppressive, très présente, et qui est présente aussi par la suite. Hein. Du coup, on a un petit double impact. Donc ce système de jalousie, de comparaison, il se base sur des injustices sociales authentiques qui viennent se mélanger à des projections, des comparaisons initiées par des normes sociales, mais qui existent surtout dans notre tête. Tout ça étant quand même foutoir, hein, parce que ça vient se mélanger avec des mécanismes psychiques et des expériences qui nous sont propres et qui ne dépendent pas forcément de notre genre tout le temps, mais qui y sont liées. Parce que par exemple, quand on appartient à une catégorie sociale dominée, on a tendance à plus se dévaloriser et notre psyché a forcément été impactée par notre appartenance de genre. Et des fois, on se compare avec les autres meufs. Les normes de féminité, elles varient un peu selon les contextes, mais elles restent quand même assez constantes et font que les meufs, elles se voient attribuer une valeur ou elles s'auto-attribuent une valeur qui n'est pas basée sur les mêmes critères que les mecs cis. Et cette valeur féminine se réfère à quel point cette meuf est perçue comme un objet de convoitise sexuelle pour les hommes hétérosexuels. Une comparaison dévalorisante peut naître quand on se dit que les autres meufs ont plus de valeur que soi, plus de valeur par rapport aux normes de féminité qu'on a soi-même intégrées, hein, bien sûr. Pour peu qu'on ait eu des expériences du type « les mecs s'intéressent toujours aux meufs plus minces, plus blanches, plus féminines, plus douces, plus silencieuses, mais pas à moi, ou alors juste pour baiser », eh bien cette comparaison peut prendre de grandes proportions. Et au départ, je pensais à des expériences d'adolescentes, mais je me rends compte que ça me finit pas vraiment, en fait, ces trucs. Bon, de toute façon, la plupart des meufs ont des expériences de sensation de ne pas avoir été assez féminine à certains moments, pour une raison ou pour une autre. C'est bien le propre de la féminité, hein, d'être un idéal tout pourri et inatteignable. En se comparant comme ça avec un idéal projeté comme avec les autres meufs, on imagine le regard que les types et l'ordre social sont censés porter sur nous en fonction de critères de conformité à la féminité. Ce qui n'est pas toujours pertinent dans la situation concernée, pas toujours conscient, mais c'est des trucs qu'on a plus ou moins ancrés dans la tête. On pourrait penser que ce merdier ne concerne que les relations et les meufs, etc. Et qu'entre meufs, dans des relations lesbiennes, on est à l'abri de ça, et bah, on l'est en partie parce qu'il n'y a pas de projection du regard d'un type. Mais les normes de féminité, malheureusement, elles ne cessent pas d'exister et elles ont un impact. Et qui peut être vraiment relou étant donné qu'on se compare directement à sa partenaire parce qu'elle est ou pas dans la même catégorie meuf que nous. Donc on peut se sentir pas dans la même catégorie de féminité et être perturbé si par exemple elle est plus mince, a une attitude plus féminine, etc. Je parle beaucoup de normes physiques parce que c'est une part très importante de ce pourquoi les meufs sont socialement valorisées ou pas. Mais d'autres systèmes de valeurs peuvent entrer en compte, comme l'accomplissement professionnel, la sociabilisation, la reconnaissance dans certains milieux, la capacité à être dominante, enfin, tout ce qui fait qu'on est un peu des produits marketing, quoi, tout ça. Donc on se compare aux autres meufs, mais pas que. Et des fois, on se compare aux mecs cis, avec qui on a des histoires. Eux-mêmes avec nos potes ou d'autres mecs cis, hein, les mecs cis avec qui on a des relations affectives, quoi. Et donc ça arrive de se comparer plus ou moins consciemment. Et ça peut foutre les boules, en fait, mais vraiment assez gravement, étant donné que, comme c'est des types, la vie, elle est plus facile pour eux. Voilà. Donc, oui, pas tous les types, mais enfin, bref. Ah, les structures, tout ça. La concurrence directe avec un partenaire masculin, elle peut piquer un peu. À cause déjà de tout ce qui peut nous tracasser au sujet de trucs qu'on veut accomplir, de notre valeur en tant qu'humain, de comment les gens perçoivent nos capacités, nos compétences, les reconnaissent. La comparaison, elle pique aussi vis-à-vis de tout ce qui fait qu'on est apprécié pour ce qu'on est et pas parce qu'on est de potentiels partenaires sexuels ou petites amies. Et ben, en gros, le gars, il a automatiquement plus de valeur pour ce qu'il est et il rencontre moins d'obstacles. Ça ne veut pas dire qu'il est plus heureux, qu'il n'a pas d'empathie, je ne sais pas quoi d'autre. Mais par contre, c'est juste plus facile. On se compare aux types qui nous intéressent, et comme les choses qui sont socialement valorisées sont plus accessibles pour eux et qu'ils ont plus de temps pour les développer parce qu'ils vont être moins d'énergie dans leur relation affective, eh bien, on a les glandes. un sentiment d'injustice peut être fortement lié à cette forme de comparaison, qu'il soit conscient ou alors plus souterrain. En parallèle, on note, alors tout à fait empiriquement mais quand même, hein, qu'il est fréquent pour des meufs de choisir des partenaires masculins qui sont ou font ce qui leur ferait envie, mais qui est moins accessible pour elles. Comme pour trouver une sensation d'accomplissement par procuration, mais en fait c'est peut-être aussi simplement un choix lié à des centres d'intérêt communs et puis voilà, la différence d'accomplissement entre le type et la meuf, c'est surtout un effet des inégalités liées à leur différence de genre. Mais du coup, bah, les sépius de la jalousie, là, qui sont dégueux, mais leurs autres potes sépius, ils sont bien, bien alimentés en encre dégueulasse par tout ce qui fait qu'on se perçoit comme des produits à améliorer, comme des êtres en compétition avec nos semblables, complexés face à ceux qui sont différents et plus privilégiés. On se sent coupable de ne pas être assez performante, assez n'importe quoi. Remplissez les petits points parce que vous voudrez, en fait. Voilà. Et la sensibilité à tout ça, l'incapacité à se sentir indifférente et au-dessus de ce qui nous limite, ajoute un super bonus combo, c'est-à-dire qu'on se sent mal d'en avoir quelque chose à faire de ce truc de valeur et de dépendre de l'opinion projetée des autres. On a l'impression de ne pas être assez forte et indépendante. En tout cas, de l'être moins que d'autres meufs, et surtout moins que les types, et on a honte face à notre faillibilité, etc. Enfin, voilà. Encore un double effet sépius, hein. Et les sépius, ils aiment notre désir d'optimisation jamais satisfait. Ils aiment susauter les miasmes du capitalisme et du sexisme qui parasitent nos cerveaux et nous les recracher dans la gueule. Ils prennent tout ce qui traîne dans nos têtes et qui peut être interprété comme indicateur de notre absence de valeur. Ils sont les pulsions de mort, en fait. Et ils veulent l'anéantissement. Et par conséquent, ils empêchent d'aimer, de se laisser aimer. Et comment on fait, nous, pour repousser les attaques sans être submergés par la sensation d'injustice face au système de pouvoir ? Et sans non plus se décortiquer au point de trouver toujours quelque chose qui cloche chez nous. Parfois, en vrai, on les trouve, les points d'équilibre. Et on arrive à partager de beaux trucs avec des personnes et avec soi-même, en s'extrayant des logiques performance, marchandise, bonne meuf mais pas trop chienne. Faut juste pas s'endormir, se rappeler qu'on est vivante souvent, trouver les chemins et les personnes qui nous laissent pas oublier ça. On va parler de petites bestioles sympathiques avant de se quitter pour changer un petit peu. On va parler des vulves limaces. Des vulves limaces. C'était le printemps et la campagne de la Haute-Loire se réveillait de son long sommeil. Les petites abeilles commençaient à butiner tout ce qui se trouvait à portée de leur petite bouche d'abeille. Sur le chemin, parmi les écureuils et les belettes, les petites vulves limaces se promenaient en laissant un sillage de mouille derrière elles. Elles glissaient et glissaient en se faisant des blagues. Elles rigolaient bien entre elles et ramassaient des pâquerettes qu'elles glissaient dans leurs poils. Au loin, on voyait la colline couverte d'arbres bourgeonnants s'élancer vers le ciel. Mais pas trop fort, car c'était une petite colline. Les vulves limaces s'installèrent en contrebas, près de la rivière, pour un petit pique-nique. Elles allèrent se tremper dans l'eau pour nettoyer les miettes. La toilette se transforma bientôt en taquinerie et en jeu. Elles s'éclaboussaient et se poussaient dans le courant, le remontant en faisant froufrouter leurs lèvres en de gracieux mouvements synchronisés. Plus tard, étendues sur de grandes nappes et se séchant au soleil, elles commencèrent à se câliner et à se caresser doucement et à devenir glissantes comme de petites anguilles excitées. Elles se susautaient et se frottaient en faisant jaillir de la cyprine les unes sur les autres. Tour à tour, leurs muscles se contractaient sous les caresses des nymphes et du clitoris, et elles jouissaient dans un frisson doux et profond.